بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما زلنا في دراسة كلام المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في تلك أربعة أصناف ودرسنا الصنف الأول ثم وصلنا إلى الصنف الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى في الصنف الثاني قال وهذا الصنف القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته قال فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره كما قال وذكر قول الله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ثم ذكر المصنف في الصنف الثاني حديث إنما هي أعمالكم في الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون في سورة الأعراف وذكر قول الله جل وعلا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في سورة النمل قال وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه وكذلك قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى قال وقالوا يدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى وهاتان الطائفة متقابلتان فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إليه وكل راجع إلى محض المشيئة. Vous a rappelé, donc on va reprendre sans plus attendre sur notre étude du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, le monothéisme bénéfique à l'état pur. Et comme vous pouvez vous en rappeler, hier on était toujours sur l'étude de la deuxième catégorie. De la deuxième catégorie concernant l'une des dernières questions que mentionne l'auteur, l'imam al-Allama Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi, rahimahullahu ta'ala, al-Misri al-Shafi'i, rahmatullahi alayh. Qala, dans l'une de ces dernières questions, donc la question qu'on est en train de traiter, c'est la question relative aux bénéfices, aux bienfaits, à la sagesse qu'il y a à travers les adorations. Et donc l'auteur va mentionner quatre tendances, quatre catégories de gens qui sous-entendent quatre pensées concernant le bénéfice, l'utilité, les sagesses qu'il y a à travers les adorations. Donc vous avez rappelé, on a évoqué la première tendance, la première pensée. dans cette première conception. On fera un rappel ensuite dans ce qui viendra pour réviser cela. Dans la deuxième tendance, si vous en rappelez, la deuxième conception, c'est ceux qui considèrent, contrairement à la première tendance, ils considèrent qu'il y a une part de sagesse à travers la législation des adorations, une part de sagesse. Pourquoi on dit contrairement au premier? Pourquoi? Parce que pour la première tendance, c'est juste se soumettre à l'ordre. Et que les adorations, c'est lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais eux, ils renient toute forme de ilal, ta'lil, ou hikam, qui est le pluriel de hikma. Ils renient le hikam, ou le ta'lil, ou le raya. Pour eux, il n'y a pas de raya, il n'y a pas de hikam, il n'y a pas de ta'lil, de illa, à travers l'observance des adorations, ou derrière les adorations. Donc, ils nient tout bénéfice, manfa'a, masalih, hikam. Il nie cela. Donc ça, c'est la première pensée, c'est la première tendance. La deuxième, on a dit, eux, ils croient une part, ils affirment une part de sagesse, mais ils considèrent que, par exemple, la récompense, le paradis, c'est le salaire de l'action. C'est le salaire de l'action, comme on l'a appris dans l'assise d'hier. Donc nous, on va commencer sans plus attendre, on va continuer. Pourquoi? Parce qu'hier, on a longuement parlé de cela. On a longuement parlé de cela, donc on va continuer, puisque vous allez voir, à la fin de la parole de l'auteur concernant cette catégorie, vous allez voir, il y a une grande faïda. Il y a une grande faïda que va donner l'auteur. Maintenant qu'on a expliqué dans la dernière assise la pensée, cette conception-là, concernant le bienfait de l'adoration, on va relire le passage en français. On va relire, là j'ai relu une partie en arabe, j'ai relu une partie en arabe. Là, on va la relire en français. Pourquoi? Parce qu'il est certain que, à travers une première lecture, parfois, on ne comprend pas et on ne cerne pas tous les sens. On ne cerne pas tous les sens. Mais lorsqu'ensuite, on lit, on relit, on explique, on essaie de comprendre l'explication, ensuite, la lecture, lorsqu'on relit une nouvelle fois, là, la lecture, elle est plus claire. Elle est plus claire. Et là, on commence à mieux comprendre le voulu de l'auteur. Pourquoi? Parce que les paroles sont assez subtiles. Et donc, les mots qui sont utilisés et la pensée est subtile. Donc, regardez dans la deuxième tendance, ce qu'on a lu hier. L'auteur dit, dans une traduction littérale, rapprochée du sens de cette parole, il dit, c'est-à-dire, c'est pour dire que c'est un effort de traduction. Il dit, il y a al-qadariya. On ne va pas revenir sur le terme al-qadariya, sur cette pensée, cette tendance, qui sont négateurs du destin. Ils reconnaissent qu'une certaine sagesse se cache derrière les prescriptions divines. Vous avez vu, ils reconnaissent qu'une certaine sagesse se cache derrière les prescriptions divines. Ils reconnaissent cela, qu'il y a une certaine sagesse. Contrairement à la première pensée, la première conception, eux ne reconnaissent pas qu'il y a une certaine sagesse qui se cache derrière les prescriptions divines. Eux ne reconnaissent pas cela. Eux, par contre, l'auteur dit que eux, ils reconnaissent une certaine sagesse qui se cache derrière les prescriptions divines. Cependant, et la nuance est là, cependant, celle-ci ne proviendrait pas d'Allah. Ils considèrent. Ils n'en recevraient pas les fruits. Le seul intérêt que ces prescriptions puissent offrir à leurs yeux revient uniquement aux créatures. Pourquoi ? Parce qu'en échange de l'ibada, il y a al-thaman. C'est ça, al-reward. Al-reward, c'est en échange, en compensation. Donc il considère, comme on l'a bien explicité dans la dernière assise, les actes d'adoration joueraient ainsi le rôle de transaction. Transaction, c'est le muqabil. En échange de la récompense et des jouissances. Dont peut jouir l'individu. Il dit, elle est comparable au salaire de l'ouvrier. Elle est comparable au salaire de l'ouvrier. C'est pourquoi Allah considère les récompenses comme une compensation aux adorations. Là, l'auteur, il parle de cette pensée. Hein. Il explique cette pensée, cette conception. Ensuite, il va expliquer al-qawl sadid, ou sahih. Mais là, c'est leur pensée. C'est pourquoi Allah considère, il dit, les récompenses comme une compensation aux adorations, comme notamment dans le verset suivant. Et là, on va relater les versets que j'ai cités en arabe. Les versets que j'ai cité tout à l'heure en arabe, d'une traduction rapprochée relative des versets cités, il leur est alors ailé, voici le paradis, que vous avez hérité pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Hier, on a bien parlé du pour. Bima, le ba. On a parlé du elba, dans la dernière assise. Pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Êtes-vous, dans un autre verset, le créateur nous dit, Allah Azza wa Jal, dans son livre, êtes-vous rétribué pour autre chose que pour les œuvres que vous faisiez sur terre? Traduction relative. Dans un autre verset, Allah nous dit, entrez au paradis pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, exalté soit-il et glorifié, nous dit, les patients recevront leur salaire comme sans compter. Les patients recevront leur salaire sans compter. Par rapport à ces versets, du fait que pour eux le ba qu'il y a dans les versets par exemple, bima kuntum tarmalun, c'est le ba lié dans le sens aywadan. C'est un échange, c'est le prix d'eux. Alors pour cela, ils expliquent leur pensée en s'appuyant sur ces textes par exemple précités. Et dans le recueil authentique, voici vos œuvres que je vous recense. Et je vous rétribuerai ensuite, dans un hadith. Et ça, c'est l'extrait d'un long récit. C'est l'extrait d'un long récit. Lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le récit divin, il dit « Ô mes créatures, je me suis interdit la justice à moi-même ». C'est un récit rapporté par l'imam Muslim. Alors, l'auteur dit « Les textes parlent de salaire, de récompense ». Les textes précités, vous avez vu, parle de salaire et de récompense, de rétribution, de récompense qui reviennent en compensation aux bonnes œuvres de l'individu. Ça, c'est leur pensée. Hein. L'auteur ici explique leur pensée et exprime leur pensée. Alors, il dit en avant l'argument que sur la balance, la récompense est égale aux actions. Sur la balance, la récompense est égale aux actions. Si l'une des parties de la balance ne compensait pas l'autre, alors, l'une des parties de la balance ne compensait pas l'autre, alors on n'obtiendrait pas cette égalité. L'auteur dit, donc maintenant je pense que les propos de l'auteur sont plus clairs par rapport à la première lecture d'hier, puisqu'hier on a bien expliqué cette pensée. On avait terminé en disant que une parole qu'il faut apprendre, que al-ibadatu lam tushra athmanan walakin shuri'at asbaban, que les adorations n'ont pas été légiférées comme étant shuri'at athmanan, comme en échange il y aurait un prix, mais elles ont été légiférées comme étant cause, comme on l'a appris hier, on va revenir sur cela. El-Muhim, l'auteur dit, or les deux tendances que nous venons de recenser s'opposent l'une à l'autre. Les deux tendances, c'est-à-dire il parle de la première pensée et de la deuxième pensée. Les deux tendances qu'il a citées, la première et la deuxième. Pour El-Jibriya, donc ça c'est la première, El-Jibriya qui considère que à travers les prescriptions divines, il n'y a pas derrière cela de sagesse particulière ou d'utilité particulière, c'est juste lié à la volonté du Créateur, à la volonté divine, et c'est des ordres liés à la volonté divine. Ça, c'est Al-Jibriya, souvent traduit par les déterministes. Al-Jibriya, souvent traduit par la tendance des... c'est la pensée des déterministes. Pour eux, il n'y a aucun lien entre les œuvres et la récompense. Par contre, pour eux, à l'inverse, puisque eux, c'est l'opposé de Al-Qadariya, de la deuxième tendance qu'on est en train de traiter. Donc pour eux, à l'inverse, pour Al-Jibriya, pour les déterministes, eux, il n'y a aucun lien entre les œuvres et la récompense. Alors que pour Al-Qadariya, c'est lié. Mais pour eux, la première tendance, il n'y a aucun lien entre les œuvres et la récompense. Donc pour eux, ça, ils considèrent donc qu'il est possible selon eux qu'Allah puisse châtier un individu ayant passé toute sa vie à l'adorer. Comme il peut combler et honorer un individu qui a passé toute sa vie à lui désobéir. Pour eux, cela est possible. Il ne ferait aucune différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et le sort de chacun serait remis ou soumis à la pure volonté divine. Serait soumis pour eux à la pure volonté divine. Ça, c'est la pensée de quelle tendance ? De la première, Arsens, des déterministes, en quelque sorte, El Jibriya. Pour eux, par contre, l'auteur dit, El Qadariya. À l'inverse, eux, qu'on pourrait dire que c'est les partisans du libre-arbitre, malgré qu'on croit au libre-arbitre, mais eux ont été à l'extrême. Les partisans du libre-arbitre, il est imposé pour eux, il est imposé à Allah de tenir compte des intérêts qui se cachent derrière la prescription des adorations, dit l'auteur. Il dit, les hommes pourraient jouir de la récompense uniquement grâce à leurs œuvres. C'est l'inverse. Vous avez vu pour El Jibriya, une personne qui a passé toute sa vie dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, Allah pourrait le châtier. Une personne qui a passé toute sa vie dans la désobéissance au Créateur, Allah pourrait le combler et l'honorer. Pour eux, c'est pareil. Puisque tout est lié à la volonté divine. Ça, c'est El Jibriya. À l'inverse, El Qadariya. El Qadariya, eux, considère qu'il est imposé au Créateur de tenir compte des intérêts qui se cachent derrière la prescription des adorations. Et donc, pour eux, l'intérêt des prescriptions des adorations, c'est quoi ? C'est que l'homme pourrait jouir de la récompense uniquement grâce à leur œuvre. Grâce à leur œuvre. Il serait en effet rabaissant pour l'individu de recevoir une récompense sans n'avoir avancé aucune action. Regardez ce qu'ils disent. Il serait rabaissant pour l'homme de recevoir une récompense sans avoir avancé aucune action. Au même titre qu'une simple aumône. La faveur d'Allah est ainsi comparée à une simple aumône qui ne réclame aucune contrepartie selon eux. Qui ne réclame aucune contrepartie. Alors qu'il est plus valorisant pour un homme de recevoir un bienfait en contrepartie à une œuvre quelconque. À une œuvre quelconque. Ainsi, ces derniers sont autant égarés du droit chemin que la tendance ayant pour principe que les actions n'ont aucune influence sur la récompense. Là, on comprend que l'auteur il fait allusion aux deux pensées, aux deux conceptions, aux deux tendances précitées, la première et la deuxième. Les deux sont aussi égarés. Comme il le dit, ainsi ces derniers sont autant égarés du droit chemin que la tendance ayant pour principe que les actions n'ont aucune influence sur la récompense. Ça, c'est lorsque l'auteur dit, en arabe, donc là, en lisant comme ça après l'explication d'hier, là, le texte est plus clair. Le texte est plus clair. قال وهاتان الطائفتان متقابلتان فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البتة وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إلي والكل راجع إلى محض المشيئة. Ça, c'est ce qu'on vient de traduire en français, ce qu'on vient de lire. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال. Pardon. وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمل فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. Ça aussi, c'est cette partie qu'on vient d'expliquer en français, qu'on vient de lire en français, je vous l'ai relu en arabe. Ensuite, regardez ce que dit le Moussanif. L'auteur, regardez ce qu'il dit. Il dit وَالطَّائِفَتَانِ مُنْحَرِفَتَانِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَهُوَ أَنَّ الْأَعْمَالَ أَسْبَابٌ مُوصِلَةٌ إِلَى الثَّوَابِ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَاتُ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ وَلَيْسَتْ قَدْرًا لِجَزَائِهِ وَثَوَابِهِ بَلْ غَايَتُهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ أَنْ تَكُونَ شُكْرًا عَلَى أَحَدِ الْأَجْزَاءِ الْقَلِيلَةِ مِنْ نِعَمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ الْأَرَضِيهِ لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. Regardez maintenant l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire. Il dit, et là vous allez mieux comprendre. En effet, donc là c'est la traduction du matin. En effet, c'est-à-dire du texte, de l'œuvre. En effet, il dit, les bonnes œuvres sont des moyens de parvenir à la récompense. Ça, maintenant, ce qu'il est en train de dire, l'auteur, c'est la bonne croyance. C'est la bonne pensée. C'est celle qui est conforme au texte. Qui est conforme à la révélation et aux enseignements des premiers de cette nation. Il dit, en fait, les bonnes œuvres sont des moyens de parvenir à la récompense. En sachant qu'Allah est celui qui, par sa grâce, permet à l'individu de les réaliser. Regardez bien. Donc les bonnes œuvres sont des moyens de parvenir, des causes pour parvenir, atteindre la récompense. En sachant qu'Allah, il dit, est celui qui, par sa grâce, permet à l'individu de les réaliser. C'est-à-dire de réaliser ses bonnes œuvres. La récompense ne se mesure pas uniquement avec les œuvres. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ça qu'il faut retenir. La récompense, elle ne se mesure pas seulement avec les œuvres. Les bonnes œuvres permettent tout au plus à l'individu d'être reconnaissant envers une partie infime des bienfaits infinis du Seigneur. Mais sinon, comme on l'a explicité hier, si on compare les bienfaits du Créateur par rapport aux bonnes œuvres que l'individu et le serviteur accomplit, c'est incomparable. Et ces bonnes œuvres à lui, c'est quelque chose d'infime par rapport à tous ces bienfaits qu'Allah Azzawajal a octroyé à ses serviteurs et à ses créatures. Donc si l'individu, par exemple, une personne qui est vertueuse et pieuse et qui accomplit des bonnes actions, elle veut recenser ses bonnes actions et compter et dénombrer ses bonnes actions, c'est une partie infime par rapport aux bienfaits d'Allah qui peuvent être apparents et non apparents aux yeux des créatures. Aux yeux des créatures. Pour cela, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. Il dit, la récompense ne se mesure pas uniquement avec les œuvres. La récompense que va avoir l'individu, l'homme pieux, ce n'est pas seulement lié aux œuvres. Et elle ne se mesure pas seulement, ce n'est pas restreint aux œuvres. C'est ça la différence. Et vous allez mieux comprendre ensuite dans ce qui va être dit. Les bonnes œuvres permettent tout au plus à l'individu d'être reconnaissant vers une partie infime des bienfaits. Donc parmi tous ces bienfaits indénombrables qu'Allah Azzawajal nous a octroyés, tous ces bienfaits qu'on vit chaque jour, tous ces bienfaits dont Allah Azzawajal nous a dotés et dont il nous a comblés, si on essayait de les dénombrer, on ne pourrait les dénombrer, tellement ils sont nombreux. Ces bienfaits-là, allati la tu'ad wa la tuhsa. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, que si on voudrait compter et dénombrer, on ne pourrait le faire. Ils sont tellement nombreux. Et certains sont apparents à nos yeux et d'autres ne sont pas apparents. Tellement ces bienfaits sont immenses. Alors l'auteur, regardez ce qu'il dit. Et c'est cette fin-là qu'il faut considérer. Puisqu'au début, il explique la pensée de ces tendances. Ensuite, là, il donne la parole, la bonne parole. Et la parole claire, c'est celle-ci qu'il faut retenir. Les bonnes œuvres permettent tout au plus à l'individu d'être reconnaissant envers une partie infime des bienfaits infinis du Seigneur, à condition qu'elles soient accomplies de la meilleure façon. à condition qu'elle soit accomplie de la meilleure façon. S'il décidait de châtier toutes ces créatures vivant dans les cieux et sur la terre, il ne serait pas injuste envers elles. Et s'il leur offrait sa miséricorde, il leur serait plus avantageuse, elle leur serait plus avantageuse que leur propre œuvre. Et ça, c'est un extrait du hadith de Zayd ibn Thabit. C'est un extrait du récit et du hadith de Zayd ibn Thabit. Dans ce récit, dans l'extrait de ce récit, qui est authentifié par Sheikh al-Albani, il est dit dans le récit, si Allah décidait de châtier toutes ces créatures vivant dans les cieux et sur la terre, il ne serait pas injuste envers elles. Il ne serait pas injuste envers elles. Et s'il leur offrait sa miséricorde, elle leur serait plus avantageuse que leur propre œuvre. Si Allah leur offrait sa miséricorde, elle serait plus avantageuse pour eux que leur propre œuvre. L'auteur ensuite dit, en méditant sur le verset, il va dire en méditant sur le verset, et voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Traduction du verset. Il dit, et le hadith, aucun d'entre vous ne peut entrer au paradis grâce à ses œuvres. Vous avez vu, il y a un hadith qui est clair, qu'on avait mentionné hier. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Par, on a dit, ses œuvres ici. On a dit ici, là, contrairement au verset, le ba du hadith, on avait dit, c'est dans le sens aywadan, al-muqabala. Tandis que dans le verset, le ba, l'issababiyya. Le ba, c'est pour as-sababiyya. Donc, le sens du ba, regardez dans le verset, bima kuntum ta'lamun ou ta'malun, le ba ici, dans le verset, c'est l'issababiyya. Mais c'est pas aywadan. Mais dans le hadith, le ba a l'autre sens, aywadan. Sauf que dans la deuxième tendance de al-qadariyya, ja'alul ba lil aywad. Pour eux, le ba, ils l'ont compris et ont émis le sens que c'était pour l'échange. Donc, les adorations, c'est la récompense, le paradis, c'est le thaman. C'est le salaire de l'adoration. Comme l'ouvrier a un salaire. Et on a bien explicité cela dans la dernière assise. Or, l'auteur, regardez ce qu'il dit. Il dit dans le verset, et voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres que vous faisiez sur terre. Et le hadith, aucun d'entre vous ne peut entrer au paradis grâce à ses œuvres. Tu te rendras compte que le premier texte affirme le contraire du deuxième. Vous vous rendez compte que le premier texte affirme le contraire du deuxième. C'est-à-dire, dans le premier, bima kuntum tarmalun, voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres que vous faisiez. Et dans le hadith, le prophète sallam dit, vous ne rentrez pas au paradis par vos œuvres. Ce n'est pas vos œuvres qui vous font rentrer au paradis. Donc, d'une manière apparente, regardez, il dit, d'une manière apparente, tu te rendras compte que le premier texte affirme le contraire du deuxième. Affirme le contraire du deuxième. Cependant, ça c'est fidhahir, d'une manière apparente. Mais cependant, en réalité, il n'y a aucun tanaqud. Il n'y a pas de contradiction en réalité. Pourquoi ? Il n'y a pas de contradiction entre les deux, étant donné qu'ils ne portent pas sur la même chose. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre al-wahi, la révélation et les textes. Ils ne portent pas sur la même chose. Regardez ce qu'il dit. L'auteur dit وتأمل قوله سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية ردا على القدرية قال الجبرية الذين يقولون لارتباطا بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله عز وجل وقدرته لا تنافي ربط الأسباب والمسببات وارتباطها بها وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق اسمعوا إلى هذا الكلام وركزوا على هذه فائدة عظيمة قال وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا فهذا الله عز وجل أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى Et comme cela, il conclut la deuxième tendance et la deuxième catégorie. Regardez ce qu'il dit. Donc là, je vous lis la traduction. Il dit, en fait, le hadith affirme que le serviteur, regardez, d'une manière apparente, lorsqu'on observe le verset, voici le paradis que vous avez hérité pour les œuvres que vous faisiez. Et dans le hadith, le prophète sallam nous dit, vous ne rentrez pas au paradis par vos œuvres. D'une manière apparente ici, il y a en quelque sorte une affirmation du contraire. Mais en réalité, cependant, lorsqu'on observe vraiment, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Pourquoi ? L'auteur dit, étant donné qu'il ne porte pas sur la même chose. Regardez, il dit, « Wa ta'ammal, observe. »« Qala, wa la tanafiya baynahuma. » لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. ليس على محل واحد. Il dit, observe bien pourquoi. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune contradiction étant donné qu'il ne porte pas sur la même chose. En effet, le hadith lui affirme que le serviteur mérite le paradis, que le serviteur mérite. En effet, le hadith affirme que le serviteur mérite le paradis grâce à ses œuvres. Ils ont oublié le... C'est l'inverse. Le hadith lui affirme qu'il ne rentrera pas par ses œuvres. Il réfute ainsi l'opinion de Al-Qadariya. Le hadith donc, dans le hadith on a une réfutation de la pensée d'Al-Qadariya, la deuxième tendance, qui eux considèrent qu'il rentre au paradis pour ses œuvres. Pourquoi ? Parce que le ba, pour eux, bima kuntum tarmalun, c'est le ba, iwardan. C'est en échange. C'est ça, Thamaniya. Donc ça serait le salaire. Le salaire. Comme l'ouvrier a son salaire. Donc il réfute ainsi l'opinion d'Al-Qadariya Mazdéen disant qu'il n'est pas valorisant de recevoir la récompense grâce au bon vouloir du roi. Et, de ce fait, ils disent ensuite, non grâce à ses propres œuvres. Le verset, quant à lui, affirme que les œuvres sont à l'origine de la récompense, sont à l'origine. Dans le verset, il y a une affirmation que les œuvres sont à l'origine, c'est-à-dire sont cause. Le bail est sababiyya, bima kuntum tarmalun, rentre au paradis. Et donc, que les œuvres sont la cause pour entrer au paradis. Sinon, on a bien expliqué cela au début de l'assise et dans l'assise d'hier. Donc, on termine. L'auteur dit, il réfute ainsi l'opinion de Al-Jabriya disant que les œuvres n'ont aucune influence sur la récompense et qu'elles n'en sont pas la cause. Donc eux, vous avez vu, eux c'est l'inverse, Al-Jabriya. Elles seraient tout au plus un indice que le serviteur a fourni des bonnes œuvres. Pour eux, Al-Jabriya, les bonnes œuvres c'est juste un indice. Et l'auteur dit le terme amara, yani dans le sens ay alama, alamat, que l'auteur a fait des bonnes œuvres. La tradition prophétique nous apprend pourtant que la volonté et le pouvoir d'Allah ne remettent pas en question qu'il puisse y avoir une relation de cause à effet. Eux, c'est la cause à effet. Al-Sabab ou Al-Musababat, eux, ils réfutent cela. Or, à travers la tradition prophétique, on apprend pourtant que la volonté et le pouvoir d'Allah ne remettent pas en question qu'il puisse y avoir une relation de cause à effet entre les bonnes œuvres et la récompense. Ainsi, chaque secte égarée délaisse une partie de la vérité et sombre de ce fait, dans une forme d'erreur, voire dans plusieurs formes d'erreur. Mais Allah Azzawajal guida alors les croyants par sa permission vers la vérité sur laquelle ils divergent. Et comme cela, il termine, on a terminé la deuxième pensée. La deuxième pensée. Sauf que, pour bien comprendre la fin de la parole dans la deuxième pensée, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, dans le commentaire, regardez ce qu'il dit. قالوا وإنما غايتها أن تكون أمارة هذا كلام الجبرية عندهم أمارة علامة على الشيء ليست سببا ليست سببا عندهم لأن الجهمية ليس عندهم أسباب ولا علل ولا حكم الجهمية نفوا الأسباب والعلل والحكم والحكم فإذا الأعمال عندهم أمارة الأعمال الصالحة والعبادات أمارة أي علامة والسنة النبوية هي أن عموم قدرته لا ينافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباط بها بمعنى عموم قدرته لا تعارض بينها وبين ربط المسببات بأسبابها فالله قدر الأشياء وجعل لها أسبابا تمشي عليها فإذا وجدت الأسباب وجدت المسبب وجدت المسببات وإذا لم توجد الأسباب لم توجد المسببات. Donc les savants nous disent, les grands théologiens musulmans, ils nous disent qu'il n'y a pas, lorsqu'on observe les textes, il y a des causes. Et on affirme aussi bien les causes que les effets des causes. C'est pour cela que les savants disent Allah Azza wa Jalla a décrété les choses, a prédestiné les choses, ou a dit alalaha asbaban. Mais Allah a décrété qu'il y a des causes, a prédestiné des causes. Et il y a al-musabbabat, l'effet, ce qui résulte de ces causes. Ce qui résulte de ces causes. Donc il n'y a pas de contradiction en cela. Il y a des causes et ce qui résulte de la cause. Par exemple, le feu est cause de brûlure. Donc, an-nar sabab. Le feu, c'est une cause. Ensuite, résulte du feu des choses, comme la brûlure et autres. L'eau, par exemple, l'eau est une cause pour la vie des plantes, des végétaux et autres, la vie des plantations, pour s'abreuver, pour se rafraîchir, pour étancher sa soif. L'eau est sabab. Les savants disent, lorsque vous trouvez le sabab, vous allez trouver ce qui résulte de la cause. S'il n'y a pas la cause, alors ce qui résulte et les effets de la cause seront inexistants. Quand il y a l'existence de la cause, c'est ça. قال فالله قدر الأشياء وجعل لها أسبابا تمشي عليها فإذا وجدت الأسباب وجدت المسببات وإذا لم توجد الأسباب لم توجد المسببات. واضح الكلام؟ Vous comprenez? Ensuite, regardez. هذه فائدة. Et l'auteur, regardez comment qu'il conclut la description après qu'il conclut cette deuxième pensée, cette deuxième tendance. Regardez ce qu'il dit. Regardez la faïda. Et ça va vous répondre à une question que vous devez tous vous poser. Vous devez tous vous poser. Quelle question? C'est que lorsque parfois on entend des pensées liées à des tendances innovatrices, des fractions, des pensées qui sont considérées dans notre religion comme des dérives, dans ces pensées-là, malgré qu'elles sont des dérives, on ressent une part de vérité. Il y a, dans ces pensées-là, dans ces dérives, une part de vérité. Ça, oh là là, ou non. Vous avez compris ce que je veux vous dire ou non? Il y a une part de vérité. Par exemple, Al-Jibriya, la tendance d'Al-Jibriya, ceux qui renient la sagesse et le bénéfice des adorations. Eux, qu'est-ce qu'ils affirment? Eux disent que tout est lié à la volonté du Créateur. Tout est lié à la volonté du Créateur. Est-ce que affirmation de la volonté du Créateur, c'est une vérité ou pas? Non, mashiatullah, wa iradatullah azza wa jal. C'est une vérité. C'est vrai. Ils affirment la volonté du Créateur, la volonté divine. d'Allah Azzawajal. Ça, c'est une vérité. De l'autre côté, Al-Qadariya, qui pour eux, les œuvres, pour eux, en échange de ça, on a une récompense. Le fait de bien œuvrer, bien sûr qu'il faut bien œuvrer. Ça, c'est une vérité qu'il faille bien œuvrer. Mais regardez ce que dit l'auteur. Kullu ta'ifatin min ahli al-batil tarakat naw'an min al-haq. Et ça, c'est la manière de conclure l'explication de la deuxième tendance. L'auteur est très pertinente. Hadhihi fa'ida. On va pas dire al-fa'idatu al-yawmiyya, la faïda du jour, mais on pourrait dire c'est vraiment la faïda du jour. Regardez ce qu'il dit. قال المصنف وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق قال الشارح فكل طائفة من أهل الباطل معها بعض الحق ومعها بعض الضلال فجمعت بين حق وباطل في مذهبها. Regardez ce que dit le cheikh. Il dit, le commentateur, je vous traduis la parole, on lit la parole littérale. Que dit l'auteur ? Ainsi, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Chaque secte égarée délaisse une partie de la vérité et sombre de ce fait dans une forme d'erreur. Délaisse une partie de la vérité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une autre partie est vérité. Une autre partie est vérité. Et l'auteur de Ifadat al-Mustafid, l'auteur nous dit, regardez, il dit « فَكُلُّ طَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ مَعَهَا » بعض الحق. Et dans l'explication, le cher, il dit que chaque fraction, chaque dérive a une part de vérité. A une part de vérité, ou a une part de dalal, et a une part d'égarement. A une part de vérité, et a une part d'égarement. فَجَمَعَتْ بَيْنَ حَقِّ وَبَاطِلِ. Donc, il rassemble une part de vérité et du bâtil. Ils ont de la vérité et du batil. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'une ambiguïté ? En arabe, on dit shubha, ambiguïté. Shubha, ça veut du terme, vous avez vu, shib. Shubha, c'est quelque chose qui est ressemblant. C'est le faux qui ressemble à la vérité. Et c'est pour cela qu'on, souvent, on se fait tromper. Et on est leurré. Et dupé, pourquoi ? On pense être sur la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi ? Parce que ce faux-là ressemble à la vérité. Et c'est pour cela que l'ilm, le savoir et la connaissance et la maîtrise des questions nous permettent justement de discerner entre ce qui est véritablement vrai et ce qui est faux. C'est pour cela que Shaitan, le travail de Satan, c'est d'embellir le faux, et dans ce faux-là, il y aura une part de vérité. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit du charh. فَجَمَعَتْ بَيْنَ حَقٍ وَبَاطِلٍ فِي مَذْهَبِيَا. Donc dans leur pensée, ils ont rassemblé, ils ont uni entre du vrai et du faux. فَالْجِبْرِيَا عِنْدَهُمْ حَقٍ. Par exemple, la tendance des déterministes, ce qu'on appelle Jibriya, souvent traduit par les déterministes. Ils ont une part de vérité. C'est quoi cette part de vérité ? Cette part de vérité, أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَشِيئَ وَلَهُ قُدْرَ وَلَهُ إِرَادَ. Qu'Allah Azza wa Jal, ils affirment pour lui Al-Qudra, la capacité, la puissance, la volonté. Al-Irada wa Al-Mashi'a. Est-ce que ça, cette affirmation est vraie? D'affirmer pour Allah Azza wa Jal Al-Mashi'a wa Al-Qudra wa Al-Irada. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. لكن ليس معنى هذا أن العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة فهذا باطل. Par contre, ça ne veut pas dire que le serviteur, lui, la créature, n'a pas de volonté, n'est pas doté de la capacité de pouvoir choisir ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire ça. Eux, dans leur pensée, par exemple, les déterministes, Al-Jibriya, pour eux, ils considèrent que la créature, ce qu'elle fait, il en est contraint. Mujbar, il est contraint, comme la plume lorsqu'elle est prise par le vent. Elle s'envole, elle est prise. L'être humain, la créature, elle est contrainte de faire ce qu'elle fait. Donc, il nie al-irada ou al-mashia pour la créature. Mais tout est lié à la volonté divine Et donc ils affirment la volonté divine, c'est vrai, mais en même temps ils réfutent le fait que l'être humain puisse avoir, la créature, une part de choisir, une part de capacité. فقالوا ليس قال ولكن ليس معنى هذا أن العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة فهذا باطل. Donc ça c'est faux de dire que la créature n'a pas de la capacité de pouvoir choisir. القدرية à l'inverse, les négateurs du destin, القدرية, pour eux العبد له مشيئة وله إرادة. Pour eux à l'inverse, le serviteur il a المشيئة. Il a l'irada. Al-Qadariya, à l'inverse, ils affirment que le serviteur, il a le Mashiach, il a l'irada. Donc ça, c'est une vérité. Sauf que Qalu. Qalu al-Abdu, lahu Mashiach, walahu iradat mustaqilla. Wa kaunu lahu Mashiach, walahu irada, hada haqqun inda al-Mu'tazila. Walakin, kaunaha mustaqilla, wala alaqata laha bi-iradatillah wa Mashiachillahi azza wa jal, fahada batil. Par contre, il dit, le fait que les serviteurs, selon Al-Qadariya, selon cette pensée-là, ont la capacité de vouloir, ils ont le Mashiach ou l'Irada, ça c'est vrai. Mais le fait qu'ils considèrent que cette volonté, elle est mustaqil, elle est indépendante. Elle est indépendante de la volonté d'Allah, azawajal, ça c'est faux. Donc il y a une part de vrai, mais il y a du faux. لكن كونها مستقلة ولا علاقة لها بإرادة الله عز وجل ومشيئة الله فهذا باطل. Donc le fait de penser que la pensée, la volonté humaine, elle est indépendante, elle n'est pas liée à la volonté d'Allah عز وجل, qu'il fait indépendamment, il veut indépendamment de la volonté d'Allah عز وجل, ça c'est faux. وما تشاءون إلا Ayasha Allah. Et vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah Azzawajal le veut. Donc vous avez vu, il y a une partie de vrai, de penser que l'homme a la capacité de vouloir, c'est vrai. Mais que sa pensée ou sa capacité de vouloir, son désir est indépendant, mustaqil, ça c'est faux. فأهل السنة جمعوا بين هذا وهذا. وَتَرَكُوا الْبَاطِلْ وَأَخَدُوا الْحَقْ مِنْ كُلِّ مَذْهَبْ. Tandis que des gens de la Sunna, eux, ils ont uni, rassemblé entre eux, cela et cela. Ils sont au juste milieu. Ils ont délaissé le faux et ils ont gardé la vérité. Ils ont délaissé le faux et ils ont gardé la vérité. مِنْ كُلِّ مَذْهَبْ. مِنْ كُلِّ مَذْهَبْ. فَإِنَّا ارْتَكَبَتْ لِأَجْلِ نَوْعًا مِنَ الْبَاطِلْ. بل انواعا. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. فكل طائفة من اهل الباطل تركت نوعا من الحق. Eux, c'est pour ça que les dérives, même si à la base il y a une part de vérité, mais ils ont délaissé une autre part de vérité. Lorsqu'ils ont délaissé une autre part de vérité, qu'est-ce que dit l'auteur? فارتكبت لاجله نوعا من الباطل. فارتكبت لأجله نوعا من الباطل. Et de ce fait, lorsqu'ils ont délaissé une part de vérité, qu'est-ce qui s'est produit? Alors ils sont tombés dans le faux. بل أنواعا. Et il dit فالله هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Et les gens de la vérité, on termine juste sur ça. Et c'est pour cela que lorsqu'ils ont délaissé une part de vérité, alors ils sont tombés dans l'erreur, voire dans plusieurs formes d'erreur. Et Allah guida alors les croyants par sa permission et la vérité sur laquelle ils divergent. Donc voilà, on a terminé. Alhamdoulilah, la deuxième tendance. Donc demain, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans la prochaine assise, si Allah le veut, on commencera as-sinf thalith, la troisième pensée. La troisième pensée concernant, donc c'est quoi la question? Concernant le bénéfice, les sagesses des prescriptions divines, c'est-à-dire des adorations. Quels sont les bénéfices? Quelles sont les sagesses? Y a-t-il des sagesses et des bénéfices à travers les prescriptions divines? Donc demain on continuera sur ce sujet. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.